Mon ami, j'ai grandi sans père, au final j'ai grandi sans cœur. À quoi sert de devenir millionnaire si c'est pour mourir? Trentenaire, Range Rover, j'suis dans le Range Rover. Non, j'suis pas le lover, t'as vu ma cover, elle déchire sa mère pour les autres MC. Game over, sous le pullover, j'ai un Glock auto qui vient de l'Ukraine. On a peur de Dieu, on va pas te faire, mais on va pas te craindre. J'suis rien de marès, oh j'ai le palmarès. Meuf, y'aura pas de caresse, y'aura pas de malaise. Quand j'ai pas trop d'inspire, de speed, j'ai des armes de l'Est. J'vends moins de CD que toi, mais j'fais plus de thunes. Au bled, on faisait des hits avec avant que tu connaisses l'autotune. Voilà, ils veulent qu'on crève. Vlet Yacine aboutient la crème. Pour le futur, j'ai plus rien à craindre. J'sors mon album, j'ai dit qu'on m'agrève. Visionnaire, j'pèse en missionnaire, révolutionnaire. On lui pèse sa mère, lui hip-hop français, ma gueule sans ouvrir le dictionnaire. Un sale suceur, j'suis dans le cul ta sœur, j'mets la concurrenceur. Tu parles de moi, j'vais te faire gifler par un influenceur. J'nique le bénéf de 20 kills en une semaine. Elle me casse les couilles, j'crois que j'vais faire un crime passionnel. J'sais pas mon pote, mais j'entretiens le relationnel. Moi j'aime personne, donc j'm'en balais que personne m'aime. Que Dieu nous préserve des jaloux, que Dieu nous préserve des ennemis. 5-6 morts en une seule nuit, je vais leur faire sorcellerie et le Saint-Domi. Là je suis à Saint-Denis, je vends la coque à 22 000, je vais revenir. Si je te menace fort, bien sûr je vais maintenir. J'ai échangé mon scout contre un pistolet, je me suis rafistolé depuis les prêts solés. Le J m'a pistonné, je parle en roro, ben oui, je parle en platine, ben oui, je parle en diamant, ben oui, mais je m'en bats les clés, oui. J'ai que confiance en maman, gros fils de pute, tu m'as trixé. J'ai plus de présence, de prestance, comme quand je faisais du 4XL. J'nique le bénéf de 20 kills en une semaine. Elle me casse les couilles, j'crois que j'vais faire un crime passionnel. J'ai pas mon pote, mais j'entretiens le relationnel. Moi, j'nique le bénéf de 20 kills en une semaine. Elle me casse les couilles, j'crois que j'vais faire un crime passionnel. J'ai pas mon pote, mais j'entretiens le relationnel. Moi j'aime personne, donc j'm'en balais que personne n'aime.